Ce vendredi à La Vie en BD, le fil d'Ariane, un Bouddha brisé, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h. Exceptionnellement cette semaine, on fait un 5 à 6 plutôt que notre 17h30 à 18h30 habituel pour ce 10e anniversaire de la ligne quasi, mais également et surtout cette émission dont Jessica Leb vous a parlé autour de Raton Lover Dégustation. Alors on est un peu entre les deux et on est bien content d'être avec vous pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, on porte un double regard, en fait, sur deux de trois productions qui ont été offertes l'automne dernier par un nouvel éditeur, en fait, l'éditeur qui s'appelle Berber 1313, qu'on connaissait déjà de par la série Bulle, mais qui a décidé de diversifier son offre au-delà de cette série. On a parlé au début janvier d'un premier titre et maintenant, on aura deux autres titres qui ont été lancés l'automne dernier. Alors, notamment, on va jaser d'une bande dessinée qui s'appelle Le Fil d'Ariane, une bande dessinée où des scénaristes, en fait, qui nous viennent de la sphère principalement du théâtre, en fait, font le saut vers la bande dessinée avec un récit autour de la maladie, de la mort, avec un gros côté fantastique aussi là-dedans. Alors, on va en jaser avec eux en deuxième moitié. Et dans quelques minutes, on aura l'occasion de jaser avec SB autour de sa bande dessinée Le Bouddha brisé. Donc, premier chapitre, une bande dessinée qui se passe à Québec autour de la crise de la trentaine, autour d'un phénomène également qui s'appelle la dissociation. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va en jaser avec l'auteur dans quelques instants. Et sinon, en fin d'émission, en fin de parcours, il y aura également un de nos libraires en résidence, Édouard Tremblay, qui sera avec nous pour nous livrer quelques commentaires, quelques suggestions BD. Alors, c'est le menu de cette semaine à La Vie en BD. Et sinon, évidemment, on poursuit aussi dans la sphère des actualités. Alors, plusieurs éléments à signaler, puisque au moment où on se parle, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême bat son plein du côté d'Angoulême. Ça se terminera dimanche. Alors, évidemment, sur nos blogs, Facebook et le reste, on vous tiendra au courant des gagnants. Également, on en reparlera aussi un brin la semaine prochaine. Mais d'ici là, le Grand Prix de la ville d'Angoulême a quand même été décerné. Alors, au terme des deux tours de vote organisés par l'équipe du festival à la veille de son ouverture, on a annoncé donc le nom du successeur au dessinateur et scénariste belge Herman à ce titre prestigieux de Grand Prix de la ville d'Angoulême. Alors c'est le Suisse Cosé qui figurait dans le trio de finalistes aux côtés du Français Manu Larsenet et de l'Américain Chris Ware qui a obtenu cet honneur. On dit, et je cite, que les auteurs consacrent ainsi par leur vote un auteur dont l'univers onirique, tourné notamment vers les pérégrinations, les cimes enneigés, a déjà réuni depuis plus de 40 ans des lecteurs d'une indéfectible fidélité. Alors je rappelle évidemment que, né en 1950, Cosé entame sa carrière à la fin des années 60 auprès de son compatriote Derib avec la série Yakari. Alors, pour Derib, d'abord dessinateur de presse, lui, Cosé crée Jonathan en 1975 dans les pages du journal Tintin. Évidemment, en cours de route, Cosé explore différentes thématiques, différentes bandes dessinées, mais avec Jonathan, c'est un peu une bande dessinée qu'on pourrait aujourd'hui apparenter à l'autofiction qu'il a offert. Alors, en fait, le dernier volume, d'ailleurs, a été publié en 2013, et l'auteur a également publié, je mentionnais qu'il avait quand même fait plusieurs autres séries, entre autres Saigon Hanoï, Voyage en Italie, Joyeux Noël Mai, Zeke raconte des histoires, Une maison de Frank L. Wright, À la recherche de Peter Pan, Zélie Nord-Sud, Le Bouddha d'Azur, bref, donc quand même fort, fort, fort actif, et un honneur assurément mérité. Et puisqu'on est dans Angoulême, mentionnons aussi que le prix René Goscinny 2017, attribué à un scénariste pour un album paru dans l'année ou pour l'ensemble de son œuvre, a été décerné à Emmanuel Guibert, Robert pour l'ensemble de son œuvre, justement. Alors, auteur de La fille du professeur, du photographe de l'enfance d'Alan, Emmanuel Guibert, et on dit du côté du prix, et je cite, parvient à convertir les personnes qu'il a connues et admirées en héros simples mais édifiants. Son écriture s'articule alors à une pratique très réfléchie du dessin dont la beauté plastique est souvent subjugante. En parallèle, Emmanuel mène une carrière de scénariste pour la bande dessinée jeunesse où ses héros figurent d'ores et déjà au panthéon des lectures les plus appréciées des cours d'école. Et sinon, peut-être dernier notule d'actualité, un peu plus triste celui-là, mentionnons que Jean-Luc Vernal est décédé le 15 janvier dernier à l'âge de 72 ans. Alors, il a été rédacteur en chef des journaux Tintin et Hello BD de 1979 à 1991, date à laquelle il céda sa place au rédacteur en chef à Yves Sente. Il a été également scénariste sur plusieurs bandes dessinées, mentionnons Jugurtha, Yann Kaledin, Brelant de Dame et Cranach de Morgan Loup. Et sinon, peut-être petite mention aussi au passage, en fin de semaine, match de la Ligue québécoise d'impro BD du côté du Musée national des beaux-arts du Québec à 13h. Donc, des dessinateurs et des comédiens vous improvisent une histoire en longue forme. Donc, à 13h, je le rappelle, du côté du Musée national des beaux-arts du Québec. Et l'entrée est libre. Alors, ben voilà pour ces petits clins d'œil. On s'en va en musique. C'est Jet Cat Adventure de Paul Tien qui nous accompagne cette semaine. On écoute un premier extrait. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble des émissions de La Vie en BD sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et on est un peu en mode rattrapage. En fait, c'est souvent le cas de notre janvier et un brin aussi de notre février, donc des publications qui sont arrivées sur les étals des libraires au fil de l'automne et dont on a envie de vous parler, dont on a envie d'amener à vos oreilles. Et c'est le cas d'une bande dessinée que j'ai bien aimée qui s'appelle Le Bouddha brisé. C'est de SB, c'est chez Berber 1313. Et pour en parler, l'auteur est avec nous en studio. SB, bonjour. Bonjour. Alors, Le Bouddha brisé, essentiellement, c'est une histoire peut-être de crise de la trentaine. C'est l'histoire de quelqu'un qui cherche ce qu'il veut être, où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie, finalement. Exactement. C'est un peu quelqu'un qui a perdu sa balance, puis qui cherche à la retrouver au moyen de la crise de la trentaine qu'il s'apprête à vivre. En même temps un questionnement sur ses valeurs, sur ses intérêts, dans un contexte un peu fantastique. Oui, parce que dans le fond, on parle d'une quête d'équilibre, mais dans ce cas-ci, elle est, disons, illustrée par la dissociation, en fait. Donc, l'idée que, d'un côté, on peut être une personne, mais si on garde à l'intérieur toutes nos angoisses, nos craintes, nos stress, ben, on peut devenir complètement autre chose, créer un autre personnage, et donc ça devient doublement nécessaire de créer littéralement cet équilibre-là. Exactement, puis c'est pas évident de créer ça, parce qu'il faut imaginer quelles émotions on peut ressentir. Puis imaginez un peu comme si notre corps, c'est une bouteille de liqueur qu'on brasse. Puis plus ça va, plus on accumule des émotions plus ou moins négatives. Mais tout ce qu'on accumule, ça va dans la bouteille. Puis à un moment donné, pouf, ça explose. Et quand on entend des thématiques comme celle-là, on se dit ben peut-être qu'il y a un petit côté d'inspiration personnelle, que c'est une manière un peu d'exprimer par la bande dessinée, à travers ce récit-là, ben, des angoisses que tu as vécues de ton côté. Exactement. C'est quelque chose qui m'est arrivé dans la trentaine. J'ai vraiment eu une... parce que je m'apprête à quitter la trentaine bientôt. Et c'est quelque chose que j'ai vécu et qui m'a vraiment chamboulé, parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Où est-ce que je m'en vais? J'ai vraiment eu les mêmes questions. Donc, c'est une BD qui est quand même très autobiographique, excepté que j'ai pas les cheveux aussi longs que le personnage principal. Ouais, en fait, que son allure jeune bambin, si on peut dire jeune blambec, à certains égards, et un peu d'inspiration manga, en fait, aussi, en termes graphiques, c'est si on reste un peu dans la description, au niveau visuel, on sent que tu as été peut-être chercher des influences de ce côté-là. Tout à fait vrai. J'ai toujours, depuis... Ben, toujours. Je devrais dire depuis une partie de mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas mal toujours aimé les mangas. J'en lis pas énormément, mais Bakuman, c'est quelque chose qui m'a énormément inspiré. Même si c'est pas un manga aussi, je vais citer Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley, qui est un peu l'étincelle qui a mis le feu aux poudres là, pour mon inspiration. Je devais m'obliger de le citer parce que si ça avait pas été de lui, j'aurais jamais été capable de créer tout ça. Puis en même temps, tous les artistes de manga qui ont une force créatrice, que je me suis dit, si eux sont capables de faire 20 à 50 pages par semaine, pourquoi est-ce que moi je serais pas capable? Oui, parce que dans le fond, il y a une efficacité dans le style, il y a des codes, il y a des éléments pour réussir à exprimer facilement, plus facilement peut-être l'émotion ou dans le trait, dans le choix du noir et blanc. Donc c'est de voir un peu qu'est-ce qui fait l'efficacité de ce genre-là et d'aller essayer de l'extirper, puis après ça, d'essayer de le métisser avec d'autres influences qu'on va y ajouter. C'est vrai, puis en même temps, c'est une grosse expérimentation parce que pour moi, c'est ma première vraie grosse bande dessinée. C'est une saga qui va durer probablement entre 16 et 18 tomes, probablement 17 officiellement. Alors, disons que je vais pouvoir expérimenter en masse sur qu'est-ce que je fais, où est-ce que je m'en vais avec ça, me poser les mêmes questions que le personnage principal, mais d'un niveau plus esthétique cette fois-là. Oui, parce que dans le fond, déjà, pour en arriver au Bouddha brisé, donc tu disais, c'est ton premier long album. Avant ça, t'as fait pas mal de fan art. Éventuellement, tu t'es dit, OK, non, là, je passe à autre chose. Comment ça s'est passé? Et comment s'est passée aussi l'exploration pour passer d'un style fan art à ton style à toi? Ça a été un long processus. C'est que pendant un moment donné, je faisais juste ce que tous les autres faisaient. Et je le faisais probablement parce que ça, si on veut, ça attirait un peu la sympathie et la gentillesse des gens parce que quand quelqu'un te voit dessiner, habituellement, ils sont comme super impressionnés. Puis quand tu dessines bien, c'est encore mieux. Là. Ils sont vraiment comme wow. Fait que dans un sens, je cherchais un peu leur attention. Puis à un moment donné, j'ai fait, mais pourquoi est-ce que je cherche cette attention-là? Pourquoi est-ce que je cherche l'attention que quelqu'un d'autre mérite parce que c'est ce que cette autre personne-là a fait que je fais juste recopier, moi, dans le fond? Puis rendu là, quand j'ai eu l'idée du Bouddha brisé, je me suis dit, c'est bien beau tout ça, je veux faire quelque chose, mais quel style je prends? J'avais aucune idée, j'avais pas de voix avec la plume. Alors je me suis dit, il va falloir que j'expérimente. Mm-hmm. Ça a été sur à peu près, je dirais, une année d'expérimentation intensive que j'ai vraiment réussi à sceller le style du Bouddha brisé, qui est très manga, comme vous le disiez tout à l'heure, avec une touche de BD américaine, puis une autre touche de BD européenne, parce que c'est toutes mes inspirations et je me devais de leur faire honneur le plus possible. Et c'est un peu l'idée, en fait, parce que avec le fan art, on reproduit, on travaille à reproduire le style de d'autres. Alors, le défi, dans le fond, dans l'expérimentation, c'est un peu d'essayer des croisements, d'essayer de voir quel croisement vient peut-être le plus naturellement. Oui, c'est un peu ça. Puis c'est une expérimentation qui va se... Je pense que ça va se poursuivre tout au long, parce que même si l'esthétique générale est trouvée pour la bande dessinée, il y a toujours des choses que je vais vouloir essayer, des choses qui vont peut-être réussir, des choses qui vont pas marcher, mais que je me dois d'essayer parce que je veux donner en même temps au lecteur une expérience nouvelle à peu près à chaque album pour qu'il puisse se dire « Wow, c'était différent à celui-là, c'était différent à l'autre, ça n'a jamais vraiment été pareil, mais qu'il y a une certaine cohérence, il y a un fil conducteur. » Oui, mais en fait, je pense que c'est nécessaire aussi dans le contexte où si tu te dis, ben, je m'en vais pour 17 tomes, ça peut être assez long, ça peut être 17 ans, ça peut être 20 ans, ça peut être un peu plus court, dépendant de ton rythme. Mais il faut que dès le départ, on se donne, dans le fond, une ouverture, qu'on ferme pas des portes. Parce qu'en même temps, on le dit souvent, mais c'est vrai, un premier album, c'est un peu aussi un apprentissage. Et de suivre quelqu'un au fil des premiers, deuxième, troisième albums, c'est de suivre aussi son apprentissage du médium, son appropriation du médium. Oui, puis d'après ce que je peux voir, je suis en train de plancher sur le deuxième en ce moment et le style est similaire, mais il y a une assurance qui n'était pas là dans le premier. Dans le premier, si vous regardez les pages, le trait est d'une façon X, alors que la certitude, la confiance est un peu plus là pour le deuxième. Donc, il y a déjà une évolution, mais j'espère juste que à la fin, je vais pouvoir avoir conservé une certaine cohérence, un beau fil pour que les lecteurs se disent pas, c'est quoi cette BD-là? Et quand on parle aussi qu'on se lance sur le long terme comme ça, est-ce qu'on a déjà une idée du 17e tome ou on se dit, ben, je vais laisser la série grandir avec moi? J'ai des idées. En fait, j'avais des idées de où est-ce que je voulais que la bande dessinée s'en aille. Mais là, en ce moment, là, ça peut paraître un peu, je dirais pas schizophrène, mais les personnages sont en train des fois de me suggérer des choses parce que je les laisse vivre un peu leur vie. Puis, dans ma tête, à un moment donné, ils viennent me dire « Non, ça, je ferai pas ça. » Ou encore « Dis pas ça, là, je ferai jamais ça. » Ou encore « Ah, ça, tu l'as bien eu. » Donc, en ce moment, il y a une couple de mes personnages qui sont en train de dire « Non, ça, là, t'es mieux de pas faire ça. » De se laisser aller un peu, en fait, parce qu'il y a une part d'instinct, veut pas, entre l'idée qu'on en a, après ça, l'expression que ça va prendre sur la page, sur les planches, dans les dialogues et le reste, ben, ouais. Effectivement, il y a toujours une évolution qui va se marquer au fil du travail. Exactement, puis cette évolution-là va se poursuivre tout au long jusqu'au chapitre 17, mais le chapitre est à date. Je dirais qu'en général, la trame jusqu'au 17e est trouvée. Mais la longueur du 17e, ça c'est ce que je tiens à dire, je l'ai déjà dit à mon éditeur, le 17e tome va durer aussi longtemps qu'il le devra. Parce que ça va être la finale, il n'y aura jamais de suite, ça va être fini, et ça va être fini pour le Bouddha brisé, ça va être fini pour ces personnages-là, mais je vais vouloir que ce soit épique. Et déjà, en fait, je mentionne, parce que les gens qui n'ont pas vu l'album peuvent se dire, mon Dieu, 17 tomes, c'est quand même énorme et le reste, mais tu as choisi justement d'y aller peut-être un peu plus dans un format... en fait, un peu à mi-chemin aussi entre la BD plus européenne et le comics américain. Donc, c'est une BD un peu plus petite, mais avec un petit côté quand même, ben, je dirais pas cartonné, mais presque, si on peut dire. Oui, exactement. C'était un choix qui était quand même assez... Ben, le format en tant que tel des pages était pas mal celui établi par l'éditeur, mais le format en termes de pages, en termes de dessin et de narration et tout ça, c'est quelque chose que j'ai voulu qu'il soit exactement au carrefour de ces inspirations-là. Et à l'intérieur de ça aussi, bon, c'est pour le premier tome, bon, de manière générale, on a donné l'esprit au départ, mais essentiellement, on établit l'univers et c'est beaucoup de l'établissement des personnages. Enfin, on apprend à connaître ton héros. Donc, c'est aussi un album qui est beaucoup axé sur les dialogues, sur les échanges, sur la réflexion. Tu as choisi d'aller à fond avec ce parti pris-là, en ajoutant aussi la voix intérieure de ton personnage, donc un peu de narration qui vient bonifier tout ça. Exactement. C'est quelque chose que je trouvais qui était important parce que une case, on dit une image vaut mille mots, c'est vrai, mais dans un certain sens, quel mot est-ce qu'on veut dire? Dans certains cas, on n'a pas le choix de décrire le tourment intérieur que le personnage vit, quitte à ce que ça ait l'air un peu appuyé. Je dis pas que c'est appuyé, mais des fois, on n'a pas le choix de prendre, si on veut, le lecteur par la main et lui dire « Voici... » qu'est-ce que le personnage ressent à ce moment-là, et ça m'a permis de trouver une voix que je ne connaissais pas d'Alex qui m'a transmis un peu ses craintes intérieures, qui m'a vraiment inspiré à trouver plusieurs autres voix également que vous allez voir dans les chapitres à venir. Puis en fait, on change aussi. En fait, c'est que t'as plusieurs éléments en note additionnelle. En fait, t'as la voix intérieure, la narration qui est sur fond blanc. T'as plus ouais. aussi une voix qui est pas celle d'Alex, qui est la voix du narrateur, qui est la part en noir. Tout à fait. Donc on joue un peu avec ça. Après ça, il y a le dialogue là-dedans. En termes d'architecture de cases, d'architecture de planches aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de voix qui se côtoient, si on peut dire. En plus, quand on rajoute des scènes de dialogue où ils sont 3-4 dans pièce, comment on fait pour s'assurer qu'on s'y perd pas? Est-ce que, tu sais, il y a des planches qu'on se dit, OK, il faut refaire 3-4 fois pour être sûr que l'architecture se tienne, que ça soit fluide, le dialogue, là? C'est pas mal ça. Puis il y a des fois où j'ai été vraiment chanceux. Des fois, il faut, quand j'écris la bande dessinée, j'essaie de visualiser quel type de case que je veux. Parce que quand je suis rendu à faire les storyboards, les scénarios images en bon français, quand je suis rendu à faire les scénarios images, je regarde ça, puis je me dis, dans quel angle est-ce que je veux que cette case-là aille? Sur quel personnage est-ce que je dois faire? C'est un peu un travail, dans le fond, de réalisateur de film, dans lequel il faut que je place ma caméra, puis comme j'adore le cinéma, ben c'est pour moi l'idée, c'est l'idéal, parce que mes acteurs, dans le fond, mes personnages vont réussir la prise à chaque fois, mais si je place pas bien ma caméra, ben là, c'est mon problème. Donc, c'est un gros travail de qu'est-ce que je veux raconter auparavant, puis quand j'arrive au scénario image, qu'est-ce que j'en fais? Et des fois, c'est là où il faut que je recommence vraiment plusieurs fois, dont même la page couverture des fois. Parce qu'on m'a toujours dit, en fait, et je ne sais pas si SB, tu seras d'accord, mais ce qui est plus difficile à mettre en scène, plus qu'une bataille, plus que des scènes d'action, c'est des scènes de dialogue. C'est quand on est assis autour d'une table de cuisine, puis qu'on jase, ou dans un café, puis qu'on jase avec avec un ami. Mais c'est, comment réussir à rendre ça dynamique? C'est vrai. C'est quelque chose qui est un mystère pour moi parce que je le fais, j'essaie d'y aller de façon naturelle. Je me dis, j'essaie de regarder la conversation puis de me dire tout simplement quel point est amené dans le dialogue de tel personnage. L'autre personnage, qu'est-ce qu'il veut raconter? Et j'essaie des fois de bouger la caméra pour qu'il y ait un sentiment d'action, pour qu'on n'ait pas l'impression de s'ennuyer. J'ai une grande crainte d'ennuyer mon lectorat. Puis, je ne veux pas qu'il se dise « My God, sinon, mais plate, c'est juste des personnages qui parlent, qui sont assis. » Je regarde, admettons, le cinéma de Quentin Tarantino. Si on regarde Inglourious Basterds, dans lequel la plupart du film, ce ne sont que des personnages qui sont assis autour d'une table à discuter. Il fait ça de façon tellement géniale. La caméra bouge, c'est vivant. C'est vivant, puis on n'a pas l'impression qu'on regarde une scène de dialogue qui, a priori, serait plate. Mais lui, il y a des dialogues croustillants, il y a de la caméra qui a été pigée à gauche et à droite dans tous les western spaghetti, dans des vieux films d'horreur, puis une trame sonore qui nous emporte, qui fait qu'on se dit « Mais qu'est-ce que je viens de voir là? C'est un ovni, ce film-là. » Puis je me suis dit « Mais comment est-ce que moi je peux faire pour, sans faire pareil à Quentin Tarantino, comment est-ce que moi je peux faire pour m'approprier mon langage et le transmettre sur case? » C'est là que l'alchimie se fait. Et c'est là que tu joues avec, en fait, au fil des pages, c'est pas un format régulier, donc tu joues avec la forme des cases, la forme des fonds aussi, en fait, les pages où on commence avec des fonds gris, après ça, oups, la trame centrale en blanc, après ça, on revient au gris, on tourne un peu, puis là, oups, on se retrouve dans une séquence, justement, peut-être de dissociation, dont on parlait tantôt, où là, on est sur fond noir, on sent que l'ambiance a changé. On joue un peu avec ces éléments-là pour créer un rythme ou garder ça dynamique dans le noir et blanc, dans le fond, pour l'œil. Oui, c'est exactement ça. Puis, quand on parle de la dynamique des cases et du noir, du blanc et tout ça, je pense que c'est quelque chose, d'ailleurs, merci de l'avoir mentionné, c'est quelque chose que j'avais peut-être pas nécessairement fait entièrement volontairement. Ça, je dois l'admettre, là, il y a une part de chance en termes de créativité de ce côté-là. Je me suis juste demandé... Il me semble que, vu qu'il n'y a pas de dialogue là ou qu'il y en a, peut-être que tel ou tel arrière-plan serait plus approprié. C'est peut-être un peu plus anodin comme création, mais il semble que ça ait porté fruit. Oui, mais en fait, il faut y aller aussi à l'instant, Mané, pour voir un peu si la planche fonctionne, essayer de la voir, de la regarder. Et c'est toujours un peu... En fait, j'ai l'impression que tu te l'es donné peut-être un peu difficile avec un premier album, justement, très axé en dialogue, très axé, on le disait, c'est pas... Éventuellement, on sent qu'il va se passer quelque chose, on sent qu'il y a un crescendo qui se prépare pour un premier événement qui arrive pas dans celui-là, mais on établit les bases pour cet événement qui va arriver. Mais c'est pas évident, justement, d'appeler le monde, parce qu'en même temps, c'est aussi... Et j'imagine qu'on a peut-être ce recul-là aussi en disant, mais c'est une première impression, les gens vont lire le premier tome, puis ça va être un make or break peut-être aussi pour décider de suivre, puis en plus tu veux qu'on suive longtemps. Là. Oui, c'est vrai, c'est quand même un peu risqué, puis je dirais que la patience des lecteurs risque d'être très récompensée parce que il faut établir l'univers. Je voulais pas arriver avec des personnages qui étaient déjà tout faits, tout formés, puis que la dissociation arrive à la page 34 du tome 1. Je voulais vraiment qu'on comprenne Alex. Ensuite, je voulais qu'on établisse son monde, puis qu'à la fin, on puisse se dire « OK, le monde dans lequel il évolue est celui-ci, de son point de vue. » Et maintenant, la dissociation peut arriver à la fin de tout ça, quand on se dit « Voici maintenant tous les personnages, le monde, et après ça, on balance le lecteur dans l'action. » Et à ce moment-là, c'est là que la bande dessinée va prendre son envol. Et SB, tu viens de Québec, tu habites à Québec, tu as écrit cet album-là à Québec et tu as choisi de mettre en scène Québec aussi. On sent parfois des lieux aussi où tu choisis de faire un clin d'œil à telle brûlerie. Je me dis, OK, il doit aimer cette brûlerie-là, il fait un petit clin d'œil ou tel commerce. L'idée est de mettre un peu en scène ce qu'on connaît, ce qu'on côtoie quotidiennement aussi. Il y a ça, puis beaucoup de mes idées me sont venues, comme il y a la brûlerie Limoilou sur la première avenue. C'est exactement celle-là que je plug. Désolé de l'anglicisme, mais c'est celle-là que j'ai décidé de mettre dans la bande dessinée parce que certaines de mes idées de Bouddha brisé me sont venues quand je suis allé là. Il y a le Fanamanga également sur la rue Saint-Joseph, qui avant était sur la rue Dupont, qui là j'ai été vraiment appuyé par Janie, qui est une des copropriétaires, et Sonia Géant, l'autre copropriétaire, qui m'ont souvent dit « mais tu devrais te lancer là-dedans ». Puis j'ai trouvé que c'était la moindre des choses de les remercier de cette façon-là en mettant leur établissement, que je considère comme étant génial. Et justement, on parle de se lancer. En fait, c'est un peu un beau saut dans le vide, si on peut dire, d'accepter de se lancer comme ça, de lancer un premier album. Et dans certains cas, des fois, ça prend un certain temps aussi pour avoir l'impression qu'on est prêt à se lancer. De ton côté, t'émerges tardivement, pourrait-on dire, en fait, et plus au fil de la trentaine où tu décides de te lancer, de commencer à développer ça. Qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur de dire, OK, maintenant, je suis prêt, maintenant, c'est le temps, maintenant, j'ai envie d'utiliser ce médium-là pour amener ma parole au lecteur? C'est venu d'une... En fait, c'est arrivé à un moment donné où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai jamais fait auparavant? Ben, une vraie bande dessinée. Je voulais vraiment essayer de, sans dire percer, sans avoir nécessairement cette ambition-là, je me suis dit, j'aimerais ça au moins écrire et faire une bande dessinée dans ma vie dans laquelle je pourrais me dire que je serais fier d'avoir contribué à ça. Puis... ça a vraiment, c'est vraiment arrivé du point de vue où je me suis dit une simple phrase qui était « si on n'essaie jamais rien de nouveau, alors on vivra jamais rien de nouveau. Si on fait toujours 2 plus 2, ça va toujours donner 4, mais si on n'essaie jamais d'autres formules mathématiques, on découvrira jamais quelque chose. » Ça a été vraiment de ce cas de figure-là que je me suis dit « ben, allons-y. » Ça a été cependant très long de me motiver à le faire parce que je savais que Bouddha Brisé, ça allait être la bande dessinée que je voulais faire. Oui, parce que c'est depuis 2013 que tu travailles un peu là-dessus. Depuis 2013-2014, pour être plus précis. Ça va faire 2 ans que je planche. Ben, ça va faire 3 ans cette année que je planche là-dessus, mais ça a pris 1 an et demi avant de trouver le concept puis de vraiment me dire OK, j'ai quelque chose là. Là, je veux faire ça en bande dessinée. Puis, initialement, le départ, ce que je devais faire, c'était 36 tomes. J'ai vraiment là hachuré, j'ai vraiment coupé, j'ai vraiment décidé de conserver sous les conseils de mon éditeur, que je considère qu'ils sont très judicieux. Sous ces conseils, j'ai vraiment fait, OK, je coupe dans le gras, je garde juste ce que j'ai de nécessairement besoin pour faire évoluer mes personnages. Et ben déjà 17 tomes, c'est quand même pas rien non plus. Aussi, c'est un gros contrat que tu te donnes. Mais cela dit, les albums sortiront pas nécessairement une fois par année. Là, il y en a eu un qui est arrivé l'automne dernier. Il y en a un deuxième qui s'en vient à quand même relativement courte échéance aussi. Tout à fait. Puis l'idée, c'est que justement, vu que c'est 17 tomes, je vais essayer de les faire, sans dire le plus vite possible, je vais les faire le mieux possible et faire en sorte que les gens qui ont entendu parler de Bouddha Brisé, qui se le sont déjà procurés, puissent se dire « OK, j'aurais pas 1 an, 2 ans à attendre, là. » Puis c'est un one-man army operation, là. Je suis tout seul à faire ça, donc il y a juste moi là-dedans qui peut être à blâmer si jamais il y a des retards. Il y aura pas vraiment quoi que ce soit avec d'excuses. Puis justement, quand on parle de le lancer plus tôt, initialement, je voulais le lancer pour le Comic-Con de Québec en octobre, mais je me suis dit que ça serait probablement trop long et mon éditeur m'a justement dit « Ben, on aurait peut-être une autre possibilité. Qu'est-ce que tu penses de cette date? » Et justement, on s'est dit « OK. » J'hésitais encore jusqu'à aujourd'hui à la dire parce que il y a encore beaucoup de pages à faire. Oui, ça te met de la pression. La date va être sortie. C'est parce que justement, j'ai jamais fait d'annonce comme ça. Puis je me suis dit « OK, c'est parce que là, j'ai plus le choix. Là. Dès que je vais l'avoir dit, faut que je le fasse. » Et c'est le 5 juillet au Comic-Con de Montréal, on va la sortir. Voilà, c'est dit, j'ai plus le choix, c'est terminé. Ça veut dire que moi, quand je vais retourner chez moi tantôt, là, faut que je travaille là-dessus, faut que je fasse à peu près 8 pages en fin de semaine, au moins. Et tout ça pour arriver avec ce deuxième tome. Oui. Et de savoir, en fait, pour les gens qui vont prendre le temps de lire cette bande dessinée, je vous encourage d'ailleurs, en fait, si vous la croisez en librairie, de la feuilleter. Prenez le temps de lire, en fait, les dialogues. J'ai été séduit par la bande dessinée que tu nous proposes, SB. Et je recommande aux gens d'aller y jeter un coup d'œil aussi. Et je trouve ça le fun de savoir que j'aurai pas, justement, 17 ans à attendre pour voir la conclusion. J'avoue que je pars un peu plus guillerette. Phew! Ben, j'en suis heureux. Parce que c'était vraiment mon inquiétude, là. C'était de ne pas faire ça pendant 17 ans. Justement pour que le lectorat ne soit pas rendu avec des enfants eux-mêmes et qu'il n'ait plus le temps de l'acheter. Alors, ben voilà. Donc, SB, merci beaucoup. Ben, merci de m'avoir reçu. Je suis très heureux d'être passé. Ça me fait plaisir. Et moi donc? Et je rappelle, en fait, la bande dessinée s'appelle Le Bouddha brisé. C'est de SB, c'est chez les éditions Berber 1313. On poursuit toujours à l'antenne de CKRL, c'est la vie en BD, exceptionnellement de 17h à 18h cette semaine. Habituellement, on est de 17h30 à 18h30. Je le mentionne pour ceux qui tombent sur nous inopinément cette semaine et pour les autres qui se demandent pourquoi on rejoint au milieu de l'émission. Mais en vous rappelant dans tous les cas que les émissions, comme d'habitude, sont entièrement disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et puisqu'on est dans les plugs de site web, je mentionne également le Facebook de La Vie en BD, facebook.com/lavieenbd et mon blog personnel, voire .ca/Raymond-Poirier. Alors, on poursuit un peu dans ces regards sur des publications qui nous ont été offertes l'automne dernier par l'équipe de Berber 1313. Et donc, troisième de trois, il s'agit d'une bande dessinée qui s'appelle Le fil d'Ariane, donc dessinée par Joe Masson, scénarisée par Stéphanie Labbé et Amélie Prévost. Et donc, l'une des scénaristes, Amélie Prévost, est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Et dans votre cas, à vous et Stéphanie Labbé, vous êtes venue vers la BD à partir de la sphère du théâtre, si je me trompe pas, de la poésie également. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le médium BD pour le récit du fil d'Ariane? Ben, en fait, on avait une histoire en tête qu'on trouvait bonne, qu'on trouvait intéressante, mais on n'était pas certaine du médium qui était idéal pour cette histoire-là, étant donné que, bon, il y avait deux époques, beaucoup de choses un peu fantastiques et tout ça, puis c'était pour le cinéma, pour la télé, c'est très compliqué, ça coûte très cher, puis c'est plus les médiums qu'on connaît, nous, traditionnellement, et on a... par hasard, rencontrer les éditeurs de Berber et on leur a raconté qu'on avait cette histoire-là en tête et tout. Ils ont tout de suite fait « Ah, mais ma foi, ça serait une superbe histoire à mettre en bande dessinée. Est-ce que ça vous tente? » Puis on a plongé là-dedans, peut-être la première, sans trop y réfléchir. Puis je pense qu'on a eu raison de le faire. Oui, c'est toujours l'avantage, en fait, de la bande dessinée comparativement aux autres médiums. Côté budget, on n'a pas de limite en termes de décor et de lieu et d'endroit. Ouais. Et côté récit, en fait, si on présente un peu les grandes lignes du fil d'Ariane, essentiellement, c'est la maladie, en fait, le deuil, la mort, les rapports familiaux qui sont quand même très présents au cœur de ce que vous proposez. Absolument. Nous, on s'est intéressé beaucoup à l'idée de la transmission génétique, de quoi on est fait. Qu'est-ce qui fait que les gènes qu'on a en nous se transfèrent d'une génération à l'autre, puis pourquoi certains gènes plutôt que d'autres? Puis on s'est posé la question, est-ce que les événements qui arrivent dans notre vie peuvent avoir une influence sur les générations futures, sur les enfants qu'on va avoir et les enfants de nos enfants, etc. Donc, d'un point de vue un petit peu plus mystique, je dirais, que scientifique, mais quand même en s'intéressant aux maladies génétiques et puis à la maternité, à la grossesse, etc., etc. Des thèmes qui sont quand même très féminins, mais on trouvait ça intéressant de parler de ces thèmes-là qui sont très féminins dans une atmosphère, dans une histoire qui est très virile, en fait, qui se passe dans des laboratoires où il y a beaucoup, justement, de morts, de maladies, un peu d'agressivité, tout ça. Donc, on trouvait que ça faisait un bon ballant, puis que c'était intéressant de creuser ça. Oui, puis de voir, en fait, parce qu'en même temps, c'est des thématiques qui, au niveau émotif, en En fait, dès qu'on parle, par exemple, d'idées de grossesse à risque et de reste, ça vient chercher quiconque est passé un peu par ces craintes-là aussi. Et donc, on peut facilement comprendre, si on peut dire, les actions que certains personnages vont faire pour essayer de sauver la donne, par exemple. Oui, oui, bien sûr. Ben c'est des réflexes humains. Les gens qu'on aime sont en danger. On a envie de faire tout ce qu'on peut pour les sauver, mais souvent on manque de moyens. Puis il y a une grande détresse psychologique qui est reliée à ça, évidemment, puis qui est très très intéressante à travailler avec des personnages comme ceux qu'on a créés. Et doublement dans le contexte d'une maladie mystérieuse qui prend des assises assez troubles dans l'ADN humain. Oui, exactement. Mais là, on est en le tome 1 met un peu la table et justement le tome 2 qu'on est en train d'écrire en ce moment creuse justement cette maladie-là, les origines de cette maladie-là, puis il va nous amener vraiment à découvrir toutes sortes de choses plus fantastiques les unes que les autres. Et quand l'idée est venue, est-ce que c'est l'idée justement c'est de la maladie qui est au cœur du fil d'Ariane qui est venue au départ, ou est-ce que c'est un peu plus les éléments émotifs et on s'est dit, mais OK, la maladie va permettre de faire un moteur vers ces éléments-là? Ben, c'est vraiment le questionnement sur la personnalité, sur les, par exemple, le libre arbitre ou le destin, ou c'est ces questionnements-là sur ce que nous sommes intrinsèquement, de quoi on est fait, d'où on vient, où on s'en va, est-ce qu'on a le contrôle sur notre vie, qui nous a vraiment amené à chercher une maladie qui était reliée à la grossesse, à la naissance. La maladie, c'est un accessoire dans le fond, dans l'action, pour réfléchir sur ce qu'on est comme être humain, ce qui fait l'humanité. Et puis confronter vos personnages dans le fond entre eux, leur permettre d'avoir une situation qui va les amener à pousser peut-être un peu plus loin la réflexion que ce qu'on ferait dans des circonstances plus habituelles, plus classiques. Oui, bien sûr, parce que c'est toujours en situation de crise qu'on va plus loin, qu'on repousse nos limites, qu'on découvre des choses extraordinaires. Là, c'est la science est faite a toujours été faite comme ça aussi. C'est en voulant régler des problèmes monstrueux qu'on a réussi à trouver des solutions extraordinaires. Et au niveau du récit, dans le fond, donc autant vous, Amélie Prévost, que votre collègue Stéphanie Labbé, vous avez l'expérience d'écriture au niveau théâtral. Oui. Comment s'est faite la transition? Parce que écrire pour... en fait, là, j'ai un petit jeu de mots poche, mais je vais le faire quand même. Entre écrire pour la scène et écrire pour les planches, est-ce que... C'est un excellent jeu de mots. Merci. Et comment on s'adapte? Est-ce qu'il y a une adaptation qui est nécessaire, peut-être? Oui, ben je pense que l'adaptation qui est la plus importante, c'est de réaliser qu'il n'y a pas de comédien qui va dire le texte. Alors on peut rien remettre entre les mains de l'acteur ou du metteur en scène. Il faut que c'est l'image qui doit parler d'abord et avant tout. Puis ça fait en sorte qu'il faut beaucoup réduire puis beaucoup changer notre façon de raconter les choses. C'est un grand travail, mais c'est un travail absolument fascinant. On a beaucoup beaucoup appris. Nous on est toutes les deux verbomotrices. Moi j'écris je suis amateur de mots en quantité et en qualité. Et là j'apprends à laisser mes personnages se taire, ce qui est ma foi très très très très intéressant et très confrontant aussi. Oui, j'ai l'impression presque aussi des fois d'incomposer un peu l'action dans la mesure où ce qu'on aurait mis au théâtre dans un grand monologue, c'est bien là, faut le décomposer en une série de cases, une série de planches même, parce que il y a des moments qui sont très verbe, le mot est très présent quand même dans le récit, donc comment le diviser, comment l'organiser, comment le rendre facile à appréhender pour le lecteur. Ouais. Et diviser et l'action aussi de faire le tri dans les actions. Quand on travaille par exemple avec du cinéma ou avec du théâtre, on travaille avec des êtres humains qui sont capables de faire en une seconde une quantité de gestes incroyables, mais là on arrive avec une image qui est fixe. Donc évidemment on fait comme bon ben là ouvrir le bonbon, est-ce que c'est important? Non, on peut juste le voir manger le bonbon. Tu sais, il y a un gros élagage de gestes à faire d'abord et avant tout. Et en fait, il y a donc appréhender le médium, donc la bande dessinée. Est-ce que le fantastique, dans votre travail précédent, est-ce que c'est un univers littéraire que vous aviez déjà appréhendé aussi, ou ça a été un peu aussi les premières armes, le fil d'Ariane, pour ce type de littérature-là? Oui, ben ça, c'est une fascination qu'on a toujours eu. C'est des univers qui nous nourrissent énormément, parce que encore là, comme avec la BD, il n'y a pas de limite possible. On peut aller où on veut, on peut se poser les questions qu'on veut, puis y répondre comme on veut aussi. Moi, cette liberté-là, j'ai toujours eu envie de l'explorer, mais évidemment, c'est pas n'importe quel sujet qui se prête à ça très bien. Et là, on a trouvé avec le fil d'Ariane l'occasion en or d'aller là. Et on parlait tout à l'heure aussi des mots. Il me semble en fait que vous avez un beau bagage au niveau du slam. Je pense que vous avez gagné des compétitions internationales de slam, si je me trompe pas. Oui. Est-ce que le fait aussi, le travail poétique de déclamation, l'aspect d'écriture pour une certaine oralité, parce que c'est un peu ça le slam aussi, est-ce que ça a donné un coup de pouce au niveau de l'écriture pour les dialogues dans la BD? Je pense que oui, mais honnêtement, je mets vraiment comme un chapeau d'auteur complètement différent quand j'écris du dialogue ou quand j'écris pour de la poésie ou pour du monologue. Je travaille fort pour enlever ce chapeau-là parce que on veut aller dans le réalisme complètement. Puis quand je travaille pour les scènes de slam, pour le spoken word, je suis pas dans le réalisme du tout. Je peux me permettre de faire des fioritures de langue, etc. Alors que là, avec le dialogue, il faut aller droit au but, puis justement enlever le plus de fioritures possible pour faciliter la lecture. C'est ça, dans le respect en fait de la ligne que vous étiez donnée pour le fil d'Ariane, on s'est dit, OK, on fait du réaliste, on fait du scientifique, parce que le fantastique, pour être crédible, a besoin d'assises crédibles, si on peut dire. Oui, vraiment, puis on travaille avec des personnages qui ne sont pas, qui sont pas des artistes, qui sont pas des poètes pantoute, qui sont pas... c'est Ariane est très, très loin de nous, là, c'est une fille hyper concrète, qui lutte contre tout ce qui est imaginaire, créativité, et qui veut vraiment s'ancrer là dans les faits et les preuves et tout. Donc on peut pas aller faire parler ce personnage-là avec une espèce de langue très très poétique et tout, ça fonctionne juste pas là. Et comment par la suite, en fait, parce que donc de ce que j'en comprends, vous êtes arrivé avec l'histoire, vous avez jasé, échangé, justement convaincu, peut-être aussi à travers tout ça, l'équipe de Berber 13-13. Et comment est arrivé Joe Masson, donc le dessinateur, dans ce projet-là? Ben c'est vraiment, on se connaissait pas du tout, mais on a eu un coup de cœur pour ses dessins en allant sur son site web, en regardant ce qu'il avait fait. On trouvait qu'il y avait vraiment une ligne intéressante, puis très masculine aussi, puis on voulait travailler avec un homme pour faire un contrepoids à notre énergie là de fille à toutes les deux. On trouvait ça super intéressant, mais c'est vraiment, tu sais, on le connaissait pas, on s'est découvert à travers le travail du fil d'Ariane. On n'habitait pas dans la même ville, on travaillait par Skype, par Dropbox, etc. Donc ça a été vraiment découvrir une personne en même temps qu'un médium, le travail avec Joe, mais ça a été un super travail et Joe nous a appris beaucoup aussi en nous montrant ce qu'il faisait, en nous posant des questions, en remettant en question notre travail souvent et toujours de façon très très pertinente. On n'a jamais regretté notre choix, mais on est vraiment allé avec notre cœur là, avec un gros coup de cœur. Et c'est un peu votre baptême de l'air à tous les trois côté bande dessinée, je pense. Joe a d'autres projets en cours en ce moment, mais je pense que c'était son premier, le premier achèvement de projet. Et ensuite, est-ce qu'on se permet aussi un peu donc de l'histoire, de ce que j'en comprends, on se permet quand même d'évoluer, de progresser dans la dynamique, donc de laisser l'histoire un peu évoluer au fil du travail. Est-ce que ça a influencé aussi le travail sur le premier tome, la façon dont on a envisagé et dont on a poursuivi le travail sur le deuxième? Ah oui, énormément. C'est clair que le deuxième tome va se faire beaucoup plus rapidement d'abord pour nous et qui va avoir une dynamique un peu différente. C'est sûr, on apprend nos erreurs, mais on apprend nos bons coups aussi. On découvre ce qui fonctionne le mieux en regardant le premier tome, puis on s'en va, on essaie d'aller là-dedans. Mais aussi, oui, effectivement, l'histoire prend son propre, suit son propre cours et nous étonne au fur et à mesure. Il y a des personnages qui nous apparaissent soudainement, qu'on fait « Ah, mon Dieu, mais ce personnage-là doit prendre une ampleur super importante », et d'autres qui vont disparaître tranquillement, mais les personnages centraux, ce qui fait la base de l'histoire, évidemment, va rester là. Et toujours avec les allers-retours temporels, donc entre les époques aussi, qui viennent un peu rythmer le récit et approfondir la mythologie autour de cette maladie-là, dans le fond. Oui, ben en fait, dans le deuxième tome, on va approfondir beaucoup plus, justement, comme tu dis, la mythologie. Il y a beaucoup plus de travail qui va être fait sur ce qui se passe au 17e siècle, parce que c'est l'origine de la maladie. Et là, on rentre vraiment là-dedans. Il y avait des petites touches de ça dans le premier tome. Dans le deuxième, ça va prendre beaucoup de place. Et on s'enligne pour plusieurs tomes, pour un diptyque ou au-delà de deux tomes? Non, ça s'enligne pour un deux tomes, à moins que qu'on ait des surprises en cours de route. On se laisse la porte ouverte, mais normalement, ça devrait finir au bout de deux, ouais. Alors, et le deuxième tome, on l'attend à courte échéance, moyenne échéance? Oui, on devrait l'attendre. On n'a pas de date fixe encore, là, mais certainement d'ici un an. Alors, et d'ici là, donc, on a au moins un an à tout le moins un an pour se mettre la main, donc, pour se mettre la dent sur ce premier tome, donc, du fil d'Ariane. Alors, Amélie Prévost, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Alors voilà, Amélie Prévost qui est scénariste avec Stéphanie Labbé sur cette bande dessinée, le fil d'Ariane, dessinée par Joe Masson. C'est également chez Berber 1313. Dernière ligne droite pour cette édition, La vie en BD, donc, et la petite musique qu'on a entendue au fil de l'émission, donc la trame sonore de Jet Cat Adventures de Paul Tian. Et on termine cette émission avec l'un de nos libraires en résidence, Édouard Tremblay de chez Pantoute. Bonjour. Salut Raymond, salut à tes auditeurs. Et Édouard, en fait, toujours avec quelques suggestions, quelques propositions tirées d'arrivées relativement récentes. Et tiens, on se lance tout de suite sur le premier, donc Ghostface de Young Min-woo. Oui, Young Min-woo, en fait, qui est un mangaka coréen, parce que oui, le manga ne se circonscrit pas seulement au Japon. Outre la France, qui est un très gros marché, eh bien en Asie, bien sûr, aussi bien en Chine qu'en Corée, c'est un genre qui est très populaire. Young Min-woo, donc, un auteur que j'avais découvert à l'époque avec l'excellent Priest, et qui nous arrive ici avec un autre récit qui fait honneur à son trait et à son immense talent. Alors, Ghostface, qu'est-ce qu'on y raconte un peu? Quel genre de récit? On se replonge, en fait, pour ceux qui connaissent un peu les vieux films de cinéma Hong Kong, les vieux films de John Woo. C'est un peu dans cette ambiance-là, un monde très sombre, très criminel. On est sur une île, en fait, l'île de Shodo, dans laquelle on a circonscrit tous les grands criminels du continent. Criminels qui, au lieu, en fait, de s'entre-détruire, se sont organisés en clans. Vraiment de manière très féodale, et qui ont établi en quelque sorte une espèce de statu quo qui va être bouleversé en fait par l'arrivée justement d'un exilé, c'est le fameux Ghostface, donc un habitant de Shodo qui avait été largué et qui revient avec une vengeance et avec le désir de bouleverser cet ordre établi dans ce monde-là. Donc on est un peu dans un récit archétypal, donc l'idée de l'étranger qui arrive dans une réalité un peu en huis clos puis qui vient un peu complètement changer les règles de ce qui était établi et et faire émerger des vieilles rivalités et le reste. Exactement. Et avec toute l'intensité de ces vieux films d'action, le trait d'ailleurs de Young Min-woo, qui est très sec, qui est très tranchant, nous donne justement des personnages avec un corps littéralement sculpté. Les femmes sont magnifiques, mais sont aussi meurtrières que belles. Les hommes sont tous évidemment de grands praticiens des arts martiaux, avec en plus des pouvoirs mystiques très élaborés. Ce qui nous donne un récit là qui ne nous laisse aucun répit, qui nous tient là en haleine vraiment là, d'un bout à l'autre. Alors un bon manga d'action. Tu disais en fait pour ceux qui connaissent Young Min-woo que toi t'avais bien aimé donc ses précédents. Est-ce que tu dirais que celui-là est aussi bon ou si on est moins familier peut-être avec cet auteur-là, ben qu'on est peut-être mieux d'aller d'abord vers ses autres titres? Ce qui est difficile un peu avec Young Min-woo, comme c'est souvent le cas pour certains auteurs un peu moins connus, voyez par exemple, la série Priest avait été jusqu'à tout récemment discontinuée. Nous aurons heureusement d'ici quelques semaines une réédition du tout. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment saisir, je dirais, l'esprit de ce qu'est Woon Min-woo, et au-delà de ça, de ce qu'est l'esprit aussi du manga coréen, qui est extrêmement riche, extrêmement intéressant à découvrir. Ghostface pourrait être vraiment une porte d'introduction là, excellente de ce côté-là. Oui, puis c'est un point intéressant que tu amènes. En fait, j'ai l'impression on a l'idée du manga japonais et de voir un peu qu'est-ce qui se fait autre part dans d'autres régions asiatiques et d'éviter un peu de stéréotyper la vision qu'on en a. Donc, autant la Corée, autant du côté de la Chine aussi, où il se fait des choses intéressantes. Tout à fait, tout à fait. Et des choses qui, je dirais, sortent un peu des canons traditionnels du manga japonais, qui a bien sûr ses thèmes récurrents, qui a ses grandes thématiques. Eh bien, ça nous amène une belle fraîcheur de ce côté-là. Et du reste, pour ceux qui désirent justement s'initier au manga, eh bien, ce qu'il y a de bien avec le manga coréen, c'est que c'est le même sens aussi de publication. donc, peut-être un peu moins intimidant pour ceux qui, à la lecture de droite à gauche, laisse un peu froid de ce côté-là. Là. Alors, ça, c'est Ghostface, donc, de Young Min-woo. Édouard Tremblay, deuxième titre, Wicca, de Le Droit et des. Oui, le cas Wicca, donc, magnifique, magnifique ouvrage. En fait, mes trois choix aujourd'hui étaient vraiment centrés, je dirais, sur les expériences graphiques autant couleurs. Thomas Day, donc, le scénariste de BD, mais aussi auteur de fantastique, et bien sûr, Olivier Le Droit, que, bon, les vieilles barbes, comme toi et moi, connaîtront sans doute avec le fameux classique des Chroniques de la Lune Noire. Chroniques de la Lune Noire qui, en tout cas, à mon humble avis, depuis quelques années, commençait un peu à s'essouffler, disons, restait très inscrit dans l'esprit des années 90. Et donc, on a ici, en fait, derrière le très, très bon scénario de Thomas Day, le dessin d'Olivier Le Droit, qui est, écoutez, absolument hors barème, là, mais d'un raffinement, d'une somptuosité, d'une richesse dans les détails là, qui laisse pantois. Là. Et qu'est-ce que au-delà du graphisme, c'est quel genre d'univers donc qui va venir nous créer un peu à travers tout ça? On se plonge donc dans une inspiration en fait qui va aller puiser dans les univers féeriques, notamment pour ceux qui sont familiers un peu avec bon les personnages du Songe d'une nuit d'été, bon le prince Oberon, Titania, les grandes figures de la mythologie là celtique et féerique. Donc c'est dans cet univers là, mais on va le matiner d'un style inspiré du steampunk. Donc toutes les fées dans leur visuel, dans leur approche, dans l'univers très détaillé qui est créé par Le Droit, eh bien on va également découvrir là, ces éléments mécaniques là, ce qui va nous donner une histoire justement qui est à cheval entre une espèce justement de conte steampunk et vraiment un conte de fées. Donc la jeune Wicca qui est la fille d'un prince, ses parents seront assassinés et ce sera en fait l'histoire de sa survie, du retour en fait au pouvoir qui lui sont dus, et on y retrouve bon justement les fées marraines, tout le c'est donc vraiment là, à la jonction de comme je le disais, et du steampunk et du genre féerique. Et j'ai l'impression en fait le steampunk en soi est pas si exploité que ça côté BD là. Pas énormément, en tout cas moins qu'on peut le constater. Bon, il y avait eu un grand essor ces derniers temps du côté du roman. On a vu quelques heureuses tentatives de ce côté-là. Bon, j'avais parlé il y a quelques semaines de Lady Mechanica, entre autres, mais on le voit pas non aussi présent, je dirais, que dans le domaine littéraire. Et surtout, on le voit rarement avec, comme je disais, une maîtrise du scénario et du dessin là, à ce point-là. Moi, ça m'a vraiment, là, ça m'a jeté sur le dos, comme on dit en bon québécois. Alors ça, c'est Olivier Le Droit et Thomas Day, donc le Wicca. Et dernier titre, le facteur cratophane d'Éric Liberge. Oui, le facteur cratophane, donc, qui a été mon grand coup de cœur de 2016 dans notre fameux palmarès de Pantoute, ça a été le Grand Prix du Barbare, donc mon choix par excellence. Facteur cratophane, donc, qui est une prémisse, pour ceux qui connaissent un peu le travail de Liberge, de son premier ouvrage, le très ample et très beau, Monsieur Mardi Gras des Cendres. Et donc, il nous propose ici, en fait, un retour aux origines de cet univers-là, qui est vraiment empreint de mysticisme, empreint de, je dirais pas peut-être jusqu'à dire de l'ésotérisme, mais tout se déroule, c'est vraiment une histoire qui tourne autour de la formation, de la création du purgatoire, ni plus ni moins. Quand même. Le tout, je dirais quand même avec une certaine, une belle finesse, une grande, une teinte d'humour qui est en filigrane derrière tout ça, et encore une fois là, un dessin, mais cette fois en noir et blanc qui laisse littéralement là, la langue pendante, un raffinement dans le détail qui dépasse toutes les attentes et qui nous rappelle des grands noms. Et je pense à Druillet, par exemple, avec Lone Sloan, ou même, les puristes m'excuseront, mais j'y ai retrouvé moi-même, je dirais, le talent que Dürer avait à l'époque, le grand artiste Dürer avait dans ses gravures. C'est ce même raffinement, cette même finesse là, dans le détail. Et j'imagine que tout ça fait, dans le fond, un mélange, un métissage qui fonctionne. En fait, si tu l'as mis dans tes tops, je veux dire, c'est ta grosse recommandation aussi de 2016, on pourrait dire. Tout à fait. C'est sûr que les gens pourraient, à première vue, être un peu déstabilisés, bon, par le contexte, par la façon dont ça va être amené et de comment on entre véritablement un personnage de facteur à travers tout ça. Mais le scénario de Liberge a été extrêmement bien ficelé. On voit que c'était un univers déjà qu'il connaissait bien, qu'il avait déjà largement étoffé. Et donc, c'est après quelques pages seulement, le lecteur va vraiment se laisser prendre à toute cette dynamique-là. Et il y a aussi, bien sûr, un des aspects intéressants de la chose, c'est justement comme tout le récit tourne autour d'une mécanique de mise en place, de construction, bien donc on découvre en même temps que le scénario le développe, la mécanique de l'univers, ce qui fait qu'on n'est jamais perdu, on n'est jamais laissé à nous-mêmes dans tout ça. Là. Alors ça, c'est le facteur Quintophane, donc, d'Éric Liberge. Édouard Tremblay, merci beaucoup. Merci à toi, Raymond, et une bonne soirée à tes auditeurs. Merci, à toi également. Au revoir. Alors voilà, donc, Édouard Tremblay, le nôtre de libraire en résidence, et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On se retrouve la semaine prochaine à 17h30, donc retour à l'heure habituelle, et on va jaser avec Louis Rémillard du retour de l'Iroquois, avec Iris de son tome 1 des autres, et également on va jaser BD documentaire avec Michel Giguère. Alors c'est un rendez-vous, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.